Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur l'émission d'Europe & Roll pour parler ensemble d'Europe. Et que de choses à dire sur celle-ci en début d'année. La guerre en Ukraine qui continue de faire rage, la diplomatie européenne plus ou moins alignée face à celle-ci, la réponse européenne au protectionnisme américain et la bataille de l'inflation, les scandales de corruption au sein du même Parlement européen. Les sujets sont si nombreux, larges, intéressants et sérieux que l'on se demande bien lequel nous allons choisir pour l'émission d'aujourd'hui. Allez, je cesse de faire durer le suspense. Aujourd'hui, chers auditeurs et chères auditrices, il va être question de la clé de voûte de l'esprit européen. Ce qui l'anime, ce qui la réchauffe, ce qui lui donne ses couleurs un soir sur un marché de Noël ou en fin de journée dans le Farniente italien. Aujourd'hui, nous allons parler d'alcool. Allez, c'est parti pour un shot d'Europe en alcool pour cette émission sur Europe & Roll. Actu. Débat. Culture. Idées. Musique. Ça, c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Ça, c'est l'Europe. Europe & Roll. En un sens, l'alcool est un véritable ami de l'Union européenne. C'est grâce à lui qu'en fin de soirée, vous êtes capable de prêcher à n'importe qui en de longues phrases confuses pourquoi il faut aimer l'Union européenne. Mais quelle place pour l'alcool dans cette Union européenne ? Pour cette question, nous n'avons pas un, mais deux experts et expertes de l'alcool. Le duo bien nommé Victoria et Victor prendra de la distance sur cette question pour revenir sur la longue histoire de l'alcool et contextualiser le chemin parcouru entre Européens, Européennes et alcool. Nous verrons que ce chemin n'a pas toujours été le lieu d'événements très glorieux d'ailleurs. Ensuite, Mathilde Jeanne nous expliquera pourquoi le Dry January a rendu le mois de janvier moins saoulant que d'habitude et nous expliquera du haut de son expérience clé de l'alcool comment et pourquoi surtout certaines et certains ont rompu, de façon temporaire bien sûr, avec l'alcool. Et face au réchauffement climatique, mieux vaut boire un petit coup plutôt que de stresser, mais heureusement l'Europe sait se réinventer et apparemment surtout quand il s'agit du vin. Inès nous parlera des nouvelles cultures vignobles là où il fait froid d'habitude, mais un peu moins maintenant. Finalement, chers auditeurs et chères auditrices, pour éviter les gueules de bois, vous le savez, il y a une règle, chaque verre d'alcool doit être suivi d'un verre d'eau. Eh bien c'est pareil à Europe & Roll, pour ne pas trop vous faire tourner la tête, Carmen vous propose une sélection musicale grand cru. Et cette semaine, c'est Anaïs qui nous présentera le flash culturel. Voilà les titres pour cette émission spéciale alcool, mais avant de rentrer dans le vif du sujet brûlant comme un premier shot de vodka en soirée, faisons le tour de l'actualité européenne présentée aujourd'hui par Suzy. Et on commence tout de suite ce journal par un point sur l'Ukraine. Cependant, ne parlons pas aujourd'hui de guerre mais plutôt d'intégration. Alors que la guerre est toujours présente et prégnante sur le sol ukrainien, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ainsi qu'une partie de son équipe, s'est rendue à Kiev ce jeudi pour rencontrer le gouvernement ukrainien. S'ensuit ce vendredi 3 février un sommet UE-Ukraine au cours duquel Volodymyr Zelensky pourra s'entretenir avec le président du Conseil européen Charles Michel. Bien qu'il s'agisse de la quatrième visite de la présidente de la Commission en Ukraine depuis février 2022, c'est une situation inédite pour l'Union européenne qui participe pour la première fois à un sommet en zone de guerre active. L'objectif, en dehors de montrer une Europe unie et soudée face à des temps de troubles et de favoriser la coopération entre l'UE et l'Ukraine dans différents domaines dont certains seront désignés comme étant prioritaires. Mais ce qui reste au cœur des discussions, c'est la candidature de l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne et ses efforts pour y parvenir, notamment en faisant progresser l'état de droit. Commerce facilité, suppression des barrières douanières ou encore alignement de la législation nationale sont tout autant de sujets qui laissent présager une intégration européenne en bonne voie pour l'Ukraine. On croise donc les doigts pour nos amis ukrainiens. Il me semble que l'Union européenne ne s'est pas uniquement battue sur ce front cette semaine. Parlons en effet d'une autre guerre, celle contre le changement climatique. Ursula von der Leyen a présenté ce mercredi 1er février son plan industriel pour la transition climatique. Ce plan répond notamment à l'adoption par le Congrès américain du Inflation Reduction Act, 6 mois plus tôt, qui soutient massivement les entreprises américaines œuvrant pour la transition climatique en leur accordant 370 milliards de dollars de subventions. Le plan présenté par la Commission il y a quelques jours vise à assurer une transition en douceur vers une industrie zéro carbone en Europe. Il repose sur 4 piliers principaux. Tout d'abord, il rend la réglementation plus prévisible et la simplifie, puis dans un second temps, il rend l'accès au financement plus rapide. Ensuite, il met l'accent sur les compétences qui sont nécessaires aux entreprises pour atteindre la neutralité carbone en formant la population européenne. Et enfin, il vise à développer un commerce international également respectueux de l'environnement. Ce n'est donc qu'un plan qui vient d'être lancé. Il va maintenant falloir observer ses effets à court terme et à plus long terme pour démontrer une réelle efficacité face aux défis climatiques qui secouent l'Union européenne et le monde entier. La Commission se lance donc dans beaucoup de projets ambitieux ces derniers temps. Je pense que nous avons tous hâte de voir ce qu'il va se passer. Et sinon, comment vont nos voisins en dehors de l'Union européenne ? Disons que le prestige et le rayonnement de nos amis britanniques a été légèrement mis à mal ces derniers jours. La Banque centrale australienne, je rappelle que l'Australie fait partie des États du Commonwealth, a annoncé ce jeudi 2 février que les billets de 5 dollars ne seront plus à l'effigie du monarque britannique, mais présenteront un motif honorant la culture autochtone. Les dernières coupures à l'effigie d'Elizabeth II ne seront donc pas remplacées par de nouvelles arborant le portrait de Charles III, et donc à terme, la monnaie papier australienne ne présentera plus aucune figure monarchique. Cette décision est motivée par un désir des populations autochtones de dénoncer les conditions destructrices de la colonisation britannique et aussi une volonté d'abolir la monarchie pour créer une république australienne. Pour l'heure, il s'agit d'une question extrêmement délicate, mais cette initiative de la Banque centrale, soutenue par le Premier ministre australien Anthony Albanese, est un premier pas vers plus de considération envers les populations autochtones qui seront consultées pour choisir ce nouveau design. Eh bien, dernière nouvelle si réjouissante que ça nous donne envie de boire un verre. Merci Suzy pour ce journal. Je me tourne maintenant vers Victoria et Victor qui vous proposent un cocktail à base d'histoire, d'alcool et d'Europe pour cette première chronique. Alors si l'alcool est bien connu des Français, son histoire l'est sans doute un peu moins. Ainsi, si nous voulons retracer l'histoire complète de l'alcool, ça s'avérerait bien trop long pour cette chronique et nous nous attarderons donc sur certaines de ses plus anciennes anecdotes. Plusieurs chercheurs ont enquêté sur les origines présumées de l'alcool, notamment Dustin Stephen et Robert Dudley, ayant mis au jour The Drunken Monkey Hypothesis, en français l'hypothèse du singe ivre. Donc en effet, l'attirance des humains envers l'éthanol ou l'alcool serait génétiquement explicable par la forte dépendance de nos ancêtres primates aux fruits fermentés comme source de nourriture. Ainsi, le sucre contenu dans les fruits au moment de la fermentation aurait alcoolisé ces derniers, stimulant à tort, selon les chercheurs, le centre cérébral du système de récompense après une consommation excessive. Toutefois, même si cette hypothèse est très intéressante, elle n'est pas sans controverse et reste aujourd'hui prise délicatement par de nombreux scientifiques. Pour revenir aux hommes, leur consommation d'alcool obtenue par fermentation remonterait à la période du néolithique, certains anthropologues affirmant que la fabrication de la bière aurait précédé celle du pain. Ainsi, l'apparition des boissons alcoolisées au sein de toutes les sociétés crée une diversité de techniques et de résultats. Ayant déjà fait mention de la bière, je me dois maintenant de parler du vin. Les premières traces de vin nous renvoient en Égypte antique, 4000 ans avant Jésus-Christ, cette civilisation semblant pour la première fois en généraliser la fabrication. Et c'est alors que la religion s'immissa dans cette nouvelle création, constituant encore aujourd'hui les mythes et légendes d'une boisson intemporelle. Lorsqu'on évoque vin et religion, l'exemple le plus connu est sans aucun doute l'évocation de Dionysos, ou Bacchus en romain, célèbre dieu du vin gréco-romain. Et si les Égyptiens l'ont associé à Osiris, roi de l'au-delà, le dieu le plus important en Égypte antique associé à de nombreux champs d'influence, ces derniers font du vin une boisson religieuse au premier sens du terme, allant jusqu'à utiliser ses facultés ébriétiques afin de générer une forme de transe mystique. Mais si l'Égypte apparaît donc comme le berceau du vin, ou du moins son inventeur antique, il faut attendre l'Empire romain pour que ce dernier propage sa production en Europe. Bref, je vous passe certains détails comme le premier jeu à boire inventé par les Romains, pour me concentrer sur l'évolution de la production devenant essentiellement religieuse à la chute de l'Empire. Si l'histoire continue encore sur plusieurs siècles sur lesquels je ne pourrais pas m'arrêter, il me paraît tout de même judicieux de mentionner l'apparition de la technique de distillation en Europe, cette dernière semblant être arrivée du monde arabe au XIIe siècle en Irlande. Cette technique utilisée initialement pour l'eau de vie, alors simple médicament, se propage lentement à travers les moines notamment. Si vous êtes attentif, vous remarquerez que j'ai effectivement expliqué que la technique de distillation provenait d'une technique inventée dans le monde arabe, issue elle-même d'une autre technique issue de Mésopotamie en 2000 avant Jésus-Christ. Mais savez-vous ce que signifie le mot « alcool » et d'où vient-il ? Eh bien, cela pourrait vous surprendre, mais non, le mot alcool ne provient pas du mot cool, pourtant bien présent dans le mot alcool, mais de l'arabe col, signifiant très fine poudre d'antimoine, un élément chimique. Donc le mot est ensuite repris en Espagne, où ce dernier alcool, caractérisant un élément très fin et pur, aurait été associé à celui d'essence, obtenu par distillation, pas le carburant, afin de devenir esprit de vin, expression qui serait due au philosophe et alchimiste suisse Paracelse. Alors, l'alcool, c'est cool, mais avec modération. Merci Victor pour ce focus historique. Et maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons voir qui a hérité de ces mythes et techniques légendaires pour finir dans le top des pays les plus gros consommateurs d'éthanol aujourd'hui. C'est avec regret que je commence cette chronique en vous annonçant que nous, Français, ne sommes pas les plus gros buveurs mondiaux, ni même européens. Et non, nous ne maîtrisons pas assez la vigna sous la bière pour daigner nous frayer une place dans le top 10. À seulement 11,7 d'alcool pur par an par personne, la France se fait largement dépasser par les pays d'Europe de l'Est. Il faut quand même noter que nous nous sommes bien calmés depuis l'époque des hippies, des imprimés multicolores et des pattes d'éléphant, puisqu'à ce moment-là, la moyenne dépassait les 20 litres par an par Français. En troisième position, nous avons la Croatie, aujourd'hui avec 13,6 litres, surpassée de peu avec la Roumanie et la République tchèque, ex aequo en deuxième position qui sont chacune à 13,7 litres. Mais nos champions européens, ceux au foie d'acier qui dominent le podium et de loin, c'est les Lituaniens, avec plus de 18,5 litres, soit quasiment 4 verres par jour par personne. Cette impressionnante consommation est majoritairement composée de vodka ou d'alcool fait maison, c'est-à-dire qu'on tourne entre 35 et 70 degrés, de quoi faire pâlir les 13 degrés du vin français. C'est bien connu, les relations qui durent sont les relations saines, preuve en est Europe et alcool. Blague à part, l'alcool se consomme avec modération. Et nous voilà déjà arrivés à notre première pause musicale. Carmen, quel grand cru nous as-tu déniché pour commencer ? C'était pour moi une évidence de vous proposer What a Life du trio danois Scarlet Pleasure. Le film Drunk se conclut avec cette musique en fond sur une scène magistrale d'euphorie collective dans un port de Copenhague. Son caractère joyeux nous ferait presque oublier la dimension tragique et le pessimisme du film qui traite de la place de l'alcool dans la société danoise. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful. Merci Carmen pour cette première pause musicale. C'était What a Life de Secret Pleasure sur Europe & Roll. Nous le disions avant la pause musicale, l'Union européenne et l'alcool est un couple de longue date. Et qu'en est-il des personnes qui, pour souffler un peu ou prendre du recul, se décident pour une pause, un break, en arrêtant de consommer de l'alcool durant un temps? Mathilde Jane va nous parler du Dry January. Oui, très bon mois de février à tous. Cette fin du mois de janvier marque la fin du Dry January. Mais si vous savez, ce challenge dont votre meilleure amie n'a pas arrêté de vous parler, trop fière de l'avoir accompli. Elle a passé tout le mois de janvier sans boire un seul verre d'alcool. Impressionnant, non? Mais concrètement, c'est quoi le Dry January et ça vient d'où? Le Dry January a été initié au Royaume-Uni comme remède du binge drinking ou la biture du week-end. Son principe est simple, stopper sa consommation d'alcool totalement pendant un mois. Selon Jean-Michel Delisle, addictologue et président de la Fédération Addiction, les bienfaits de ce défi se font sentir sur notre portefeuille, mais également sur notre sommeil et sur notre santé physique et mentale, améliorant la santé de la peau et notre sommeil. Pourtant, ce défi n'a pas vraiment été du goût de la vice-présidente du Sénat, Nathalie Delattre, également coprésidente de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin. Celle-ci avait déclaré en janvier 2022 que les Français devraient boire mieux plutôt que de se priver de vin, puisque les addictions, selon elle, ne concernent qu'une très petite partie de la population. Selon la vice-présidente, la très grande majorité des Français, 98% des Français, sont bien en dessous de ce seuil des 10 verres par semaine. Une affirmation en contradiction avec le rapport de Santé publique France, qui indiquait qu'en 2020, près d'un adulte sur quatre avait dépassé le seuil des 10 verres par semaine. Boire mieux ou boire moins, telle est la question. Bien écoute Mathilde Jeanne, peut-être devrions-nous prendre le premier conseil, mais non pas toi évidemment, je sais que tu es une personne raisonnable. Anaïs en revanche, je rigole bien sûr, Anaïs a toujours ses esprits et surtout quand il s'agit de présenter le flash culturel. Et aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler? En ces temps-ci, on ne tient plus trop debout. Alors, non pas à cause de l'alcool, mais de la grippe hivernale qui nous abat tous un peu plus chaque jour. Mais point positif, j'ai pu passer quelques jours sous la couette à enchaîner des films d'une extrême beauté. Alors, si cette semaine nous parlons d'alcool, le film dont je vais vous parler risque de vous plonger dans une ivresse de sourires et de larmes pendant 2 heures. Et pour cela, je vous emmène goûter ce magnifique cocktail au Mali. Là-bas, dans les années 60, on entre tout juste dans les années heureuses de l'indépendance. On danse le twist, on rit jusqu'à minuit dans des clubs, mais on fuit aussi la violence du code de la famille, on fuit le mariage forcé, et Lara a fui son domicile conjugal, et pour cela, elle est dans l'illégalité. Lors de sa fugue, elle rencontre Samba, un jeune homme de 20 ans, animé par les vertus socialistes qu'il souhaite à tout prix faire appliquer à son pays. Alors si rien ne les rassemble, l'incroyable courage de ces deux jeunes les emmènera jusqu'au bout de la nuit, danser un twist à Bamako, jusqu'au bout du délit, jusqu'à une douce mélancolie. Quel est le prix à payer pour l'amour? Quel est le prix à payer pour la politique? Eh bien dans cette ode à la jeunesse, aux ambitions et à la révolution, rien n'arrêtera Lara et Samba. Et pourtant, sorti en salle en 2022, réalisé par Robert Guédiguian et actuellement disponible sur MyCanal, n'attendez pas pour tomber dans l'ivresse du film Twist à Bamako, aussi bien pour la qualité de l'image que pour le scénario historique. Et sans modération, s'il vous plaît. Merci Anaïs pour ce très beau flash culturel. C'est maintenant le moment de la deuxième tournée musicale avec la programmation de Carmen. Dans Rehab, la chanteuse britannique Amy Winehouse chante sa détresse face à l'alcoolisme et la difficulté qu'elle éprouve à stopper sa dépendance. Celle-ci a d'ailleurs été la cause de sa mort tragique en 2011. On ne peut donc pas écouter Rehab sans un pincement au cœur pour cet artiste parti trop tôt. Seventeen days. Et c'était Rehab de Amy Winehouse sur Europe & Roll. Nous sommes de retour sur Europe & Roll pour une émission spéciale alcool en Europe. L'alcool pour l'Union Européenne, un ami, mais surtout un vrai marché. Et comment le marché du vin se recompose-t-il face aux nouvelles exigences qu'impose le réchauffement climatique? Inès, dis-moi plus sur le futur vin que je vais pouvoir consommer une fois que le changement climatique aura fini de tout chambouler. La production de vin en Suède, au Danemark ou même au Canada, pourquoi pas des vikings viticulteurs aussi? Tout cela pourrait relever de l'imagination fantasque d'un alcoolique chronique, mais c'est pourtant bien réel. En raison du changement climatique, des pays situés non loin du cercle polaire se sont lancés dans la production viticole. C'est grâce à l'importation depuis l'Allemagne de cépages hybrides résistants au froid vers 2010 que la Suède, par exemple, a réellement commencé à développer sa production. Les fortes chaleurs de ces dernières années, qui ont largement pénalisé les producteurs traditionnels du reste de l'Europe, ont profité à la Suède qui a connu ses plus belles récoltes. Quel pays a eu en premier cette idée folle un jour de se lancer dans le viticole ? C'est ce sacré Danemark qui a initié le mouvement au courant des années 2000. Avant cette date, en plus d'un climat défavorable, il y avait aussi des obstacles législatifs. La Commission européenne, en effet, réglementait très strictement le domaine en raison d'une surproduction de vin dans l'Union. Avec le changement climatique, donc, l'Union européenne a assoupli sa réglementation et autorisé la plantation de 99 hectares de vignes pour commencer. Mais l'Union européenne est longtemps restée réticente à cette nouvelle production. Jusqu'en 2017, l'UE n'autorisait la commercialisation de vins danois que sous la dénomination de vins de table. Ces restrictions ne sont aujourd'hui plus d'actualité et l'on peut profiter de la diversité des cépages danois. Oui, mais est-ce que ces nouveaux pays représentent vraiment des concurrents pour les producteurs historiques ? Le vin scandinave a un avantage important. Si l'Union européenne appliquait une réglementation très rigide au départ, la Suède, dans sa législation interne, a profité d'une réglementation très souple en comparaison avec les strictes appellations protégées que l'on connaît en France ou en Italie. Ensuite, les politiques agricoles scandinaves ont une longueur d'avance sur nous en termes de production biologique, qui est beaucoup plus encouragée que dans le reste de l'Europe. La résistance naturelle de ces fameux cépages allemands permet aussi de réduire facilement l'utilisation de pesticides dans les cultures. Mais ne vous inquiétez pas, le domaine de la viticulture en Scandinavie est avant tout un terrain d'expérimentation. Les viticulteurs sont en général désireux de développer de nouveaux cépages et des techniques de cultures alternatives. Nous, jeunes éco-anxieux européens, essayons de nous rassurer. Il faut considérer la viticulture scandinave comme une richesse pour l'Europe. Vive le changement climatique ! Ah non, pardon, là je perds mes moyens, je crois que j'ai un peu abusé de ce bon cru danois avant l'émission. Merci Inès pour cette présentation efficace de l'effet du réchauffement climatique sur l'industrie du vin. Il manque une petite dégustation pour l'agrémenter, mais je ne t'en veux pas, ce n'est que partie remise. Il est maintenant temps pour nous de se quitter, chers auditeurs et auditrices, car comme un bon verre d'alcool, toutes les bonnes choses ont une fin. D'ici à la prochaine émission, nous vous disons santé, mais surtout de consommer de l'alcool avec modération bien sûr. Prenez soin de vous. Pour l'instant Carmen, je te laisse nous présenter ton dernier choix musical. Parce que la musique, ça n'est pas comme l'alcool et qu'on peut l'écouter sans modération, voilà un dernier titre aux sonorités grecques, mais en provenance d'Allemagne. Avec Grishy Shervine, Udo Jürgens nous conte musicalement sa solitude, tout juste étanchée par ce sang de la terre qu'est le vin grec. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde kommt. dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind, von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind, und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein.